Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qu'il est bon de suivre, de boire à la source vive, et goûter à l'entrée ta parole de paix. Qu'il est bon de marcher sous la main du berger, ton bâton me rassure, me conduit en lieu sûr. Jésus, Jésus, Jésus, toute ma vie à toi. Jésus, Jésus, Jésus, je me donne, prends-moi. Jésus, Jésus, Jésus, change et transforme-moi. Viens vivre en moi la vie que toi, tu voudras vivre en moi. Mais quelquefois, Seigneur, il m'arrive au malheur que je sors du chemin quand m'attire le malin. Après m'être nourri des choses de la vie, je te reviens en paix, mais tu m'accueilles quand même. Jésus, Jésus, Jésus, toute ma vie à toi. Jésus, Jésus, Jésus, je me donne, prends-moi. Change et transforme-moi. Viens vivre en moi la vie que toi, tu voudras vivre en moi. Oh, j'ai trouvé, Seigneur, parcelle de mon cœur qui ne te suivait pas, que je garde pour moi. Je te donne, Seigneur, toute la place en mon cœur, afin qu'il y ait en moi pas d'autre Dieu que toi. Jésus, Jésus, Jésus, toute ma vie à toi. Jésus, Jésus, Jésus, je me donne, prends-moi. Jésus, Jésus, Jésus, change et transforme-moi. Viens vivre en moi la vie que toi, tu voudras vivre en moi. Viens vivre en moi la vie que toi, tu voudras vivre.